Comment sont nées les coopératives de production ? Même si les médias n'en parlent pas souvent, il existe aujourd'hui une vaste confédération qui regroupe, rien qu'en France, plus de 4400 coopératives de production. En 2022, elles ont fait travailler près de 82 000 salariés et leur chiffre d'affaires dépasse 8,4 milliards d'euros en croissance de 11% par rapport à 2021. Pour les dirigeants de cette confédération, ce dynamisme est la preuve qu'un autre modèle de société est possible dans lequel la solidarité l'emporte sur la loi du profit. En France, les premières traces d'un mouvement coopératif remontent au Moyen-Âge. Mais c'est surtout au XIXe siècle qu'il a connu son envol. En réaction contre le développement brutal du capitalisme sauvage, Robert Owen a développé les premières thèses qui ont inspiré le courant qu'on a appelé le socialisme utopique. Lui-même propriétaire d'une filature écossaise qui employait près de 1000 salariés vers 1800, Owen prit de nombreuses mesures pour améliorer le sort de ses ouvriers. Cette expérience l'incita à proposer la création de communautés de travailleurs vivant en autarcie. Il tenta de concrétiser ses idées en fondant une communauté dans l'Indiana, aux États-Unis. Ce fut un échec. Néanmoins, les idées de Robert Owen exercèrent une forte influence sur les premiers socialistes utopiques français comme Étienne Cabet ou Charles Fourier. Pour les ouvriers de l'artisanat urbain, les coopératives de production et les sociétés de secours mutuels furent aussi des moyens de contourner la loi Le Chapelier, adoptée en 1791, qui interdisait la formation des groupements professionnels. Au début du Second Empire, la répression des mouvements socialistes par Napoléon III marqua un coup d'arrêt pour ces formes d'activité collective. Cet idéal fut aussi miné par les divisions qui éclatèrent au sein du camp révolutionnaire. Influencés par Bakounine et Proudhon, les anarchistes soutenaient les coopératives de production car ils prônaient l'auto-organisation des ouvriers et des paysans à la base. Les marxistes, emmenés en France par Jules Guesde, leur reprochaient de sous-estimer le rôle de l'État dans la lutte révolutionnaire. Il plaidait pour le développement de partis ouvriers centralisés, capables de prendre le pouvoir pour mettre fin au capitalisme. Cette priorité accordée au combat politique explique la méfiance des marxistes à l'égard des coopératives de production considérées comme des exemples de collaboration de classe. Alors qu'en Grande-Bretagne, le mouvement coopératif et le mouvement syndical furent étroitement associés, en France, malgré les efforts de Jean Jaurès, la gauche eut beaucoup plus de mal à articuler ces deux façons de concevoir le combat contre les inégalités sociales. À la fin du XIXe siècle, c'est surtout dans l'agriculture que le mouvement coopératif prit son essor sous l'impulsion de la Société des agriculteurs de France. Dans les secteurs du bâtiment, du livre ou de la transformation des métaux, les coopératives de production se développèrent au début du XXe siècle. Leur existence fut reconnue dans le Code du travail en 1915. Ce fut la date de naissance officielle des sociétés coopératives ouvrières de production qu'on appelle couramment aujourd'hui les SCOP.